Ariste, Ndikomanyanga. Terukimane de l'autre côté de la vitrine, bienvenue chers auditrices auditeurs à cette actualité dont voici d'abord le sommaire. Le Burundi n'a pas de stratégie de gestion de la dette publique. Une affirmation du ministre des Finances ce mardi au palais des congrès de Kigobe lors de l'analyse du projet de loi portant révision de la loi de mai 2016 régissant la dette publique. Vous l'entendrez. C'est ce mardi qu'ont été enterrées les victimes des massacres de Gatumba, massacre survenu dans la nuit de vendredi dernier. Et le ministre de l'Intérieur qui a représenté le gouvernement burundais promet des enquêtes pour introduire en justice les auteurs de ce massacre. Un audit devrait précéder le partenariat entre la Sosumo et une autre société étrangère en vue de dégager les difficultés de la société sucrière du Burundi. Analyse d'un expert en commerce international et développement des organisations en rapport avec le partenariat projeté entre la Sosumo et la société Sarai Group de l'Ouganda. Bienvenue à cette édition. Bienvenue à cette édition. Les détails. Le Burundi n'a pas de stratégie de gestion de la dette publique. Une affirmation du ministre des Finances qui annonce toutefois l'élaboration aujourd'hui de cette stratégie par des experts burundais sous l'appui des partenaires lors de l'analyse du projet de loi portant révision de la loi de mai 2016. Régissant la dette publique a indiqué que la dette en soi n'a rien de mauvais. C'est plutôt sa gestion opaque qui pose problème. Des détails avec Mireille Kanyang. La révision de cette loi de mai 2016 est guidée par des lacunes observées en matière de gestion de la dette publique, a indiqué le ministre des Finances. C'est en effet le cadre légal existant en matière de gestion de la dette publique qui ne clarifiait pas la tutelle financière des collectivités locales et des sociétés à participation publique, alors que les prérogatives d'engager financièrement l'État reviennent au ministre des Finances. C'est également le cadre légal ne donnant pas de façon claire la manière dont les garanties et les dettes rétrocédées sont accordées. Selon le rapport de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, la dette extérieure contractée par l'administration centrale au 30 juin de cette année est de plus de 1681 milliards de francs bou. La dette intérieure contractée par les entreprises publiques et les sociétés à participation publique au 31 décembre 2022 est de plus de 560 milliards de francs bou selon toujours ce document. Lors de l'analyse de ce projet de loi ce mardi, les élus du peuple ont soulevé des inquiétudes par rapport à cette dette. C'est entre autres les députés Elias Bouregoure quant à l'absence aujourd'hui d'une stratégie de gestion de la dette publique. Les inquiétudes, c'est en outre avec le remboursement de la dette publique. En réaction à ces inquiétudes, Audace Niyonzima, ministre des Finances, a fait savoir que des experts burundais avec ceux de la Banque mondiale sont en train d'élaborer cette stratégie. En ce qui est du paiement de la dette, le ministre des Finances a précisé que chaque année, sous le budget de l'État, des intérêts et commissions sont payés pour cet exercice budgétaire, dit-il. Des intérêts de 31 milliards de francs burundais seront payés. Après moult inquiétudes des députés et des réponses irrelatives, ce projet de loi a par la suite été adopté à l'unanimité par 108 députés. Merci à Mireille Kanyang pour tous ces détails. Après adoption de ce projet de loi, les députés ont sorti des recommandations qui devraient guider l'État pour éradiquer les détourneurs des fonds publics. Ces recommandations sont lues par Daniel Gélas Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale. Suivez-le, il est traduit en français par Jean Dodieu Irakoti. Vous avez bien entendu les recommandations des députés pour éradiquer le détournement des deniers publics. Pour ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs implications, vous aurez compris qu'il n'y a pas moyen de les rejeter alors qu'ils ont failli à leur mission pour lesquelles ils avaient été mandatés par le gouvernement. En deuxième lieu, il faut que ces personnes soient arrêtées. Troisièmement, il faut qu'ils soient obligés à rembourser les biens volés. En quatrième lieu, il faut qu'ils soient sanctionnés. Cinquièmement, qu'ils soient montrés au public à travers les télévisions et affichés dans des stades. En sixième lieu, il faut passer à la saisie de leurs biens une fois qu'ils refusent de rembourser. Septièmement, il faut les révoquer. Huitièmement, il faut interdire tout employeur de les embaucher de nouveau dans les ONG, voire ne pas leur donner la permission de créer les leurs. En dernier lieu, les députés ont aussi recommandé de saisir les fonds qu'ils ont redonnés à leur maîtresse. On avait oublié cette recommandation alors qu'elle est si importante. L'actualité continue sur Isanganiro. Le gouvernement burundais promet des enquêtes pour introduire en justice les auteurs des massacres commis sur la colline Vugizo en zone Gatumba dans la province de Bujumbura. Massacres qui ont emporté la vie de 20 personnes, propos tenus par le ministre de l'Intérieur Martin Niteretse lors de funérailles de ses victimes ce mardi. Il a qualifié ces crimes d'actes terroristes car le pays n'est plus en guerre. Le vicaire général qui a célébré la messe a rappelé que verser du sang n'est pas solution au problème que connaît le pays. Les détails avec Francine Ndekougayo qui s'est rendue sur les lieux. Ils rendent leurs derniers hommages en larmes. Nous sommes à la paroisse Saint-François-Xavier de Gatumba. Les membres des familles des victimes passent un à un pour un geste d'adieu aux 19 civils victimes du massacre de Vugizo. Dans son homélie, le vicaire général, Monseigneur Anatole Louvelignangue, a déclaré qu'il est grand temps que de tels crimes cessent à jamais. Prions pour que ce drame ne puisse se reproduire, prions pour que ces malfaiteurs changent de comportement et qu'ils déposent les armes, qu'ils demandent pardon à Dieu et qu'ils se convertissent. Il faut que nous vivions dans la paix et l'amour et évitons les chicaneries. Sachant que nous sommes de passage sur cette terre, il est donc nécessaire de comprendre qu'il ne sert à rien de nous entretuer. Il faut que nous restions serrés. Après la messe, les corps ont été conduits au cimetière se trouvant sur la colline Walubondo de la zone Gatumba. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a demandé à la population de rester calme et de signaler tout cas suspect, tout en promettant que les auteurs seront traduits en justice. Assassiner de petits innocents d'une année, deux ans, c'est un acte terroriste. Une mère enceinte qui te supplie de la laisser, mais tu finis par la tuer. Ce sont des sans-pitié et c'est un crime contre l'humanité. Des crimes impardonnables. Au niveau du gouvernement, nous sommes prêts à tout faire pour traduire en justice les auteurs de ces forfaits, où qu'ils soient. Il y en a ceux qui croient qu'ils ne sont pas au pays et qu'ils ne pourraient pas être arrêtés. Ils ne vont pas nous échapper. 20 personnes ont été tuées par balle en date du 22 décembre, dont un policier à Vugizo, dans la zone Gatumba, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. L'attaque a été revendiquée par Red Tabara, le mouvement se réclamant rebelle contre le gouvernement burundais. Merci Francine Ndokouga pour tous ces détails. Page justice à présent, deux hommes sentinelles à la paroisse Christ et Roi se trouvant dans la ville de Kayanza sont entre les mains de la police judiciaire en commune Kayanza depuis le matin de ce mardi. La police à Kayanza indique que ces personnes ont été appréhendées pour des raisons d'enquête judiciaire. Après avoir trouvé dans le marais surplombant la colline Kirema, le corps d'un homme qui est succombé à des coups et blessures. Les informations sur place disent que la victime a été attrapée la nuit de ce lundi en train de voler des matériels de cuisine à la paroisse Christ et Roi et qu'il aurait été sévèrement battu par ses sentinelles. Boussimbo Diomède, chef culinaire Kilema, appelle la population qu'il dirigeait à couper court à la justice populaire, mais plutôt de saisir les instances judiciaires en cas de différend. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page commerce à présent, une audite devrait précéder le partenariat entre la Sosumo et une autre société étrangère en vue de dégager des difficultés de la société sucrière du Burundi. Analyse d'un expert en commerce international et développement des organisations en rapport avec le partenariat projeté entre la Sosumo et la société Sarayi Group de l'Ouganda. Le pays peut se réjouir par le fait que la production augmentera, même si le prix sera à la hausse. Mais il faudra d'abord considérer le type de partenariat qui sera mis en place. Suivez-le dans ses propos recueillis par Alain Désiré Boukenez. Il y a trois types de partenariats. Il y a un partenariat général où les partenaires gèrent ensemble la direction de l'entreprise ainsi que les décisions prises pour l'entreprise. Il y a un partenariat avec responsabilité limitée où un des partenaires assure la gestion et l'autre perçoit les profits. Et il y a aussi la joint venture où il y a un arrangement contractuel de coopération sans créer proprement d'entreprise commune. Mais la question qui se pose actuellement, c'est que les marchés publics au Burundi ne reflètent pas la juste valeur marchande. Donc il y a risque que la valeur de la Sosumo soit sous-estimée pour que la vente finalement profite aux quelques décideurs qui vendent la Sosumo. Il y a donc plusieurs questions qui se posent en ce sens, notamment par exemple, qui a fait l'audit de la Sosumo pour diagnostiquer les problèmes de l'entreprise et pour finalement trouver la solution qu'il faut. Deuxième question, qui a fait l'évaluation des actifs de la Sosumo? Qui a fait l'évaluation du capital de la Sosumo pour finalement négocier ce partenariat? Troisième question, est-ce que le ministère du Commerce n'est pas impliqué dans la négociation de ce partenariat? En effet, le ministère de l'Agriculture n'est pas compétent pour négocier ce type de partenariat commercial. Une autre question, pourquoi est-ce que les Burundais n'ont pas été associés pour apporter leur capital? En général, nous disons que la passation de la Sosumo des mains de l'État vers les privés, c'est une bonne décision parce que les décisions qui seront prises seront de bonnes décisions. Nous attendons à ce que le prix monte par kilo, mais en général, le sucre sera disponible. Et dans la suite de la page commerce, certains commerçants du marché dit Côte-Bou se plaignent que le flux de clients n'est pas aussi grand par rapport à celui des années antérieures pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Ils indiquent que certains enregistrent des pertes et que cette situation est envenimée par la pénurie du carburant qui s'observe dans le pays. Ils demandent au gouvernement de rendre disponible le carburant pour qu'ils puissent bien écouler leurs marchandises. Sheila Irambona pour tous les détails. Ces personnes sont parmi les vendeurs du marché du Côte-Bou. Avec ces périodes de fête, ces dernières indiquent que par rapport aux années antérieures, les clients viennent petit à petit. La pénurie du carburant qui s'observe dans le pays fait que les clients boudent ce marché à cause du ticket de transport. Certains affirment même enregistrer des pertes. Le prix du petit pois a été revu à la baisse. Nous avons l'habitude du contraire en période de fête, mais comme nous n'avons pas eu de clients, nous avons opté de baisser le prix. Nous travaillons à perte. Il demande au gouvernement de rendre disponible le carburant. Signalant que le marché dit Côte-Bou est un parmi les plus fréquentés de la capitale, les habitants de Bujumbura y fréquentent à cause des produits frais qu'ils y trouvent. Ces derniers viennent de l'intérieur du pays. Merci à Sheila Irambona, cap sur Moaro pour parler éducation. En province Moaro, le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024 s'est bien clôturé. 180 nouveaux enseignants ont été recrutés dans cette province, selon Omer Baranda Guillé, dépayé de cette province. Il souligne pourtant que des tôles pour réhabiliter les classes dont la toiture a été endommagée par des pluies torrentielles manquent en cours. Aussi, pour certaines écoles, des livres et bancs pupitres ne sont pas encore suffisants. Même si l'État fait des efforts pour équiper les écoles en matériel scolaire, selon toujours ce responsable de l'éducation à cette province Mwaro, les détails avec Laurent Dikoli. En province Mwaro, 180 nouveaux enseignants ont été recrutés au début du premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024, selon Omer Barandaguié, directeur provincial de l'enseignement à Mwaro. Il espère que le rendement scolaire va s'améliorer, car certaines heures étaient enseignées par des vacataires et d'autres n'étaient pas enseignées. Ce responsable de l'éducation en province Mwaro souligne pourtant qu'au cours de ce premier trimestre, certaines classes ont été dépouillées de la toiture suite aux pluies torrentielles mêlées de vents violents, surtout dans les communes de Wissoro et Ndava. À certaines écoles, ces mêmes tôles ont été mises sur ces classes pour permettre aux élèves de suivre les cours, mais elles sont usées. Le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro demande aux bienfaiteurs ou à l'État de donner leur appui pour que ces classes soient réhabilitées. Aussi, au niveau du matériel scolaire comme les bancs pupitres, le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro souligne que des fois, l'État équipe les écoles en bancs pupitres, mais le besoin se fait toujours sentir. Il précise qu'il y a un projet de fabriquer de nouveaux bancs. Il ajoute qu'un marché de fabrication de nouveaux bancs est en train d'être passé ces jours-ci. Il demande aux bienfaiteurs qui sont capables d'aider pour que les élèves suivent les cours assis convenablement. Pour les livres, le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro signale que dans certaines écoles, au cycle 4 de l'enseignement fondamental, il peut arriver que les livres soient usés car ils datent de plusieurs années. Là aussi, il signale que si de nouveaux livres étaient disponibles, ce serait un atout pour remplacer ces livres déjà usés. De moi, Laurent Dikoli, Radio Isanganiro. Avant de boucler cette actualité, parlons transport. Le convoyeur de 8 véhicules de transport rémunérés de type Quaster sur la RN3, route Bujumbura-Nyanzalak, ont été sommés de se conformer au prix officiel du ticket de transport sur lundi. Le commissaire provincial de Rumonge, qui a pris cette mesure, explique qu'il n'y a aucune raison de doubler le prix officiel du ticket de transport par passager au moment où le mazout était distribué à la pompe à Bujumbura et à Rumonge, les détails avec Jean-Pierre Misako. Certains de ces convoyeurs sommaient de remettre l'excédent du prix du ticket de transport par passager avaient fait payer 15 000 francs burundais par passager au lieu de 7 000 francs burundais par passager représentant le ticket officiel sur le trajet Bujumbura-Rumonge. D'autres avaient fait payer 25 000 francs burundais par passager faisant le trajet Bujumbura-Nyanzalak au lieu de 12 500 francs burundais officiellement reconnus selon Jean-Baptiste Bigirumuremi, commissaire provincial de Rumonge, qui a pris cette mesure. Pour ce responsable policier, cette hausse du prix du ticket de transport n'avait aucun fondement, étant donné que le mazout utilisé comme carburant par ces véhicules était en train d'être distribué à la pompe à mairie de Bujumbura, point de départ de ces véhicules, et il avait été dans la ville de Rumonge la veille. À Rumonge même, une station a été service au lundi et a distribué du mazout jusque le soir de ce lundi sans pouvoir vider le réservoir, informe le commissaire provincial de Mwangé qui appelle du coup les passagers à toujours informer la police sur une éventuelle hausse du prix du ticket de transport dont ils sont victimes. Les documents d'identification de ces véhicules ont été retenus par la police pour exiger au préalable de faire parvenir à destination ses passagers, puis revenir ensuite récupérer ses documents moyennant versement d'une amende. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Voilà, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. L'actualité continue sur Isanganiso.